Samedi 5 août, qu'est-ce que je voulais dire? Au matin, non, vers midi, on va aller enregistrer une approche, une traversée de l'installation de Nadine Schütz qui se trouve sous le porche du pavillon de la Francia. Parce qu'il y a un intéressant passage au moment de franchir la porte, vous allez voir ça. C'est autre chose. On commence à l'entendre.